papa, priabu la pipliba, ou papa, priabu la pipliba, ou papa, priabu la pipliba, ou papa, priabu la pipliba, ou papa, priabu la pipliba. Da, ooh, pop, da.